Moi depuis que je fais du son, je suis frère à tout, c'est banal. La musique ça rend fou, mais je sais que c'est une grosse banane. Y'a trop de fois, j'ai pas le moral, pas la mine ou pas le temps. Et trop de drame dans la zoupe après un tour en 4 ans. Non, je suis pas, je sais pas qui, pourtant ça me prend trop la tête. Si j'en kill, les rats en fera tous la fête. Loin des faux, loin des putes, des indiques, loin des decks. On leur montrera c'est qui les minguettes. Pour l'instant, j'ai tranquille, je fais le tour de la ville à pas d'heure. Je rêve même pas d'avoir une carrière, mais juste m'en sortir. Voir sourire au visage ma mère et goûter à tous mes désirs, mais c'est pas fastoche. Y'a des gens, ils veulent tout stopper. Moi je travaille et je m'accroche. J'suis tout pété la noche. Ils veulent percer, puis pisser sur beaucoup de gens. Pas moi, non pas moi. J'veux pas drabaisser, non frangin, j'suis pas comme ces gens. C'est pas moi, c'est pas moi. Dans la street, grosse doute d'un tas l'hiver, ça passe vite 25 piges, je suis rodé comme un cyborg, toujours le même la routine, avec elle c'est l'amour fou, à cause ça y'a trop de haine, des peines pour tous mes incouilles, avec des mêmes fils de pute, je fais des sons, rien à foutre du titre, moi je vais droit au but, comme les trous du 1-3, comme les ratus du 38, non c'est pas une femme, elle va m'hypnotiser, respecte tout même si t'es pas d'ici, tu veux une casse dédiée, c'est la famille au complet qui va sympathiser, moi je suis pas comme eux, je suis pas comme toutes ces trompettes, du buzz, ça même plus où ils habitent, va leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent, l'argent ça repart facile, fais le fou et même ta vie qui s'achète. Et ouais, ça vaut plus rien la vie, c'est elle qui prête sa gâchette. Souvent, celui qui se dit ton ami, le faible qui veut prendre les manettes. On mène une drôle de vie, on mène une drôle de vie, on mène une drôle de vie, on mène une drôle de vie. Ils veulent percer puis pisser sur beaucoup de gens. Pas moi, non pas moi. Je veux pas de rabaisser, non frangin, je suis pas comme ces gens. C'est pas moi, c'est pas moi. Ils veulent percer puis pisser sur beaucoup de